Au sport, le 20 décembre, au hockey mineur, dans la Ligue des simples lettres à feu de Saint-François, l'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Frontalier Rouetsicook à Istingus à 15h. L'équipe novice B affronte Hockey Expert Sherbrooke, aussi à Istingus, à 16h15. L'équipe novice C est également à Istingus. Elle rencontre Métro Brunel-Val-Saint-François à 17h30. L'équipe Atome A est à Stansted pour affronter les cantonniers de Magog à 16h30. À 15h, l'équipe Atome B est à Magog pour visiter les cantonniers E. L'équipe Pee-Wee A affronte Frontalier Quaticook et Quaticook à 16h15. L'équipe Pee-Wee B est à l'aréna de Fleurimont à 13h15 pour affronter Club Piscine Sherbrooke 2. L'équipe Midget B affronte l'équipe de Quaticook à l'aréna de Stansted à 20h30.